France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique au Mangin Palace, 160e épisode. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange à n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 26 avril 2009, 11h05, bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es rediffusion de notre épisode intitulé « Belle cour lyonnaise, Omar King of Bongo et Darwin en chocolat », une émission que tu pourras gratuitement télécharger. Ça fait 4 jours que j'essaye de télécharger l'amant de Lady Chatterley. Qu'est-ce que c'est long, oh là là. Non, c'est pour ça, je voulais passer un message aux producteurs qui sont dans la salle. Pour le prochain film, s'il vous plaît, pensez aux mecs qui téléchargent. Voilà. Faut faire plus court, les gars. Voilà. Voilà. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose, durant 53 minutes, une petite rediffusion burlesque autour des actualités hivernales qui furent manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du Joda Saint-Esprit. Ainsi soit-il, notre sacerdoce consiste à t'offrir autant que possible un diaporama sonore, modeste mais déjanté, contre le triomphe de la morosité. Voici donc la liturgie de notre joyeuse cérémonie. Eh bien, pour commencer, du marquis de la relance économique au voyage gouvernemental à Lyon, où François Fillon, souviens-toi, nous exposa ses 1000 propositions, nous t'offrirons, comme d'habitude, une relecture frappadingue des actualités politiques qui ont marqué le début du mois de février. Ensuite, durant quelques minutes, nous réentendrons comment nos joyeux spectres de l'INA, en prévision du bicentenaire de la naissance du théoricien de l'évolution, avaient organisé, au mois de pluviose dernier, une curieuse cérémonie, la formidable remise des Darwin en chocolat. Dans la foulée, nous nous remémorerons comment Jean-Claude, devenu président du comité des fêtes de Grosboul-les-Bains, avait décidé, soutenu par Monique, que la création artistique devait être la réponse à la crise économique mondiale. Juste après, nous poursuivrons avec notre petit reportage Made in Panic, où nous te proposerons là aussi de jeter un œil dans le rétro sur le tropisme gabonais de Bernard Kouchner. Et enfin, peu avant midi, notre petit kiosque sévèrement fourni rééditera son authentique mais curieuse revue de presse du 8 février dernier. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son, mais ne te découvre pas d'un fil. Ain't no man inside. I need a hot. Hot Shot, c'est la chaleur disco que nous envoyait Karen Young en 1978, alors qu'au même moment, sur les côtes du Finistère, c'était la marée noire que nous envoyait la Moco Cadiz. Qu'est-ce qui se passe? Ma veste est pleine de cambouis. Non, mais où est-ce que vous êtes taché comme ça, monsieur Moiseau? Je vous présente toutes mes confuses. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Cloug. Alors, pour nous extraire du cambouis à 11h10, il est l'heure, mon ami, de te vautrer confortablement afin que nous entamions ensemble les modestes aventures de ce 149e épisode du Mangin Palace. Et comme le veut la tradition, débutons par notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fiefé sacripant de nos coursives, avec qui nous avons essayé une fois de plus de démasquer l'inconscient du discours politico-médiatique du moment. Ainsi, découvrons ce cocktail détonnant, constitué ce matin de quelques grands seigneurs, le baron de l'île de Ré, le marquis de la Relance et le duc hongrois Zoltan. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Bienvenue à vous, Lionel Jospin, ancien Premier ministre, faut-il le rappeler. Merci. De mon temps. On avait du respect pour les anciens. Moi, je n'ai pas à donner des leçons de conduite aux dirigeants du Parti socialiste. Aujourd'hui, vous, les jeunes, vous avez pu vous donner de la tête. Mais il me semble bien que les socialistes ont fait une proposition intelligente au pouvoir. Qui était de dire, vous prenez les décisions que vous avez à prendre et nous sommes prêts aussi à agir, à travailler, mais dans nos compétences, si vous voulez. Je m'étonne que le pouvoir, qui est féru d'ouverture, dit-on, n'ait pas été plus positif par rapport à cette démarche. Bon, allez, moi, je vous laisse. Je vais me reposer le cerveau. Parce... Ouais, là, tu fais bien. L'invité de France Inter est ce matin Patrick Devedjian, ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance. Alors, tu vas faire quoi? J'en sais rien. Moi, je pense que dans certains domaines, l'État doit embaucher et il doit avoir plus de personnel. Et, par exemple... Tu le trouveras bien. Je pense que... Oh, attends, j'ai trouvé. Pour plus d'infirmières, par exemple. C'est une idée que vous avez, c'est une annonce parce non, que c'est pas on une va, annonce. On va pas vers non, mais ça. Je dis, dans certains... Non, les infirmières, on en manque. Hein. Attends, j'ai trouvé. Un de mes sujets de travail, c'est essayer de coordonner davantage les plans de relance de chacun des pays de l'Union européenne. Mais coordonner ou apporter de nouvelles idées? Commençons par coordonner. Et vous en avez déjà en tête? On en a quelques-uns. Bah, dites-nous. Merci d'avoir répondu à nos questions, c'était aussi instructif que passionnant. Porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire et demain porte-parole sans doute du NPA, nouveau parti anticapitaliste. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Est-ce que vous serez devant votre télé ce soir pour regarder l'intervention du président de la République? J'étais de très très bonne humeur là, mais alors commence pas à me casser les couilles avec ces conneries. Il faut qu'ils comprennent maintenant qu'on a un certain nombre dans ce pays à les connaître, ces réformes, et on n'en veut pas. Je vous fais peur? Non. Vous voulez que je le fasse? Vous ne récusez pas l'idée que le NPA est un parti de gouvernement? Pas dans le cadre des institutions actuelles. Voilà, maintenant, on n'est pas des losers. On a envie que nos idées voient le jour. Exercer le pouvoir politique, donc, éventuellement. Mais pas ce pouvoir-là. Je crois que c'est important de comprendre. Pour nous, le changement qu'on préconise, il ne peut pas intervenir par une bonne combinaison de majorité parlementaire. Ah, c'est pas faux. Je pense qu'il faut assumer du côté des forces anticapitalistes son indépendance, proposer à la fois un plan de mesures d'urgence pour sortir de la crise économique et en même temps, filigrane, un projet de société alternative, y compris sur les questions démocratiques. Quand vous ne comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Zoltan. Mais je vous l'annonce, on supprimera la taxe professionnelle en 2010 parce que je veux qu'on garde des usines en France. Et je ne peux pas dire aux actionnaires, pour le coup, ne délocalisez plus, relocalisez, et en même temps leur laisser des charges et des contraintes qui font qu'ils ne s'en sortiront plus. Et nous nous envolerons dans l'espace avec des extraterrestres gentils et qui nous trouvent très sexy. En vérité, je vous le dis, ce sera coolissime. Zoltan ! Zoltan fut duc de Hongrie durant toute la première moitié du Xe siècle. Et il terrifia l'Europe par ses conquêtes émaillées de massacres et de pillages que ses ennemis n'arrivaient à calmer qu'en payant un lourd tribut à Zoltan, tout comme aujourd'hui notre gouvernement le fait avec les banquiers qui ont saccagé le marché financier. Ainsi, cette semaine, face à l'agitation sociale, le principal ministre François Fillon a accouru à l'Élysée afin d'avertir Nicolas Sarkozy des tensions dans la population. Votre Majesté, il faut que je vous parle. Qu'y a-t-il ? Il s'agit évidemment d'une affaire urgente. Oui. On dit ici et là que le peuple se révolterait. Je trouve révoltant qu'on se révolte. Non, Votre Majesté, je vous assure que la situation est extrêmement grave. Les paysans disent que vous n'avez aucun égard pour eux. Quoi ? Je n'ai pas d'égard pour les paysans. Ils sont mon peuple et moi je suis leur souverain. Je les aime. Mais Votre Majesté, la situation se détériore. Les paysans peuvent devenir violents. Oh, violents, Dieu. Mais Votre Majesté, dans le cas bien improbable, certes, mais non impossible d'une révolution, ne serait-il pas plus prudent que vous quittassiez Paris pour une semaine ou deux ? Mais qui occuperait mon trône durant mon absence ? Nous trouverons une doublure qui pourra vous remplacer. Ah, une doublure en cas de bavure. C'est génial, ça me plaît. Ah. Dites-moi, mon ami, où trouverez-vous un gentilhomme assez beau pour me remplacer ? Oh, mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est cela ! Votre Majesté, vous ressemblez au valet de piste du palais. Et vous, un gros tas de merde puante. Bon, ben voilà, c'est le président qui l'a dit. Mais pour expliquer cet énervement, il faut prendre en compte que Nicolas Sarkozy avait la tête ailleurs. Il fêtait lundi dernier ses noces de coton avec Carla. Donc ces histoires de pouvoir d'achat et de crise économique, là, ça le saoule. Surtout que personne ne l'aide en ce moment. Tiens, par exemple, mercredi dernier, après le Conseil des ministres, à cause d'étranges affaires africaines, notre président a été obligé d'avoir un entretien discret avec Bernard Kouchner, pourtant le seul membre du gouvernement avec qui il pouvait aborder certaines questions majeures. Évidemment, tu t'en fous, toi, des belles filles, t'en as tellement eu. Pendant que tu sautais 10 filles superbes, j'avais à peine le temps d'en sautiller une. Moche. Le silence quand on rentre dans un restaurant avec elle. Le moment de silence. Les femmes la regardent pour savoir comment elle fait pour être aussi belle. Les mecs la regardent parce qu'elle est tellement belle. Après, ils regardent avec qui se trimballe une fille aussi belle et ils se remettent à bouffer immédiatement. Bref, t'en reviens pas d'être avec elle. Finalement, t'étais prêt à tomber amoureux de la première belle fille amoureuse de toi. Et je t'emmerde. Ouais. Et encore un qui l'emmerde. Non, décidément, il se sent très mal entouré, notre président. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a décidé en début de semaine d'envoyer tout le gouvernement FISA à Lyon pour ne plus les avoir dans les pattes, tous ces ministres qui lui compliquent la vie. Et c'est ainsi que François Fillon, accompagné de 20 ministres, dis donc, sont partis officiellement pour annoncer le plan de relance. Mais bon, vu l'ambiance dans la voiture-bar du TGV, hein, visiblement ça soulageait tout le monde de se mettre au vert. Yeah, yeah, les copains, c'est demain qu'on se la mêle. Yeah, yeah. C'est demain qu'on prend le train. Yeah, yeah, les copains, c'est demain qu'on se fait la malle. Yeah, yeah, les copains, c'est demain qu'on prend le train. Ouais. Ah, bah c'était bonne ambiance hein, pour ce petit séminaire gouvernemental. Il faut dire que François Fillon a fait d'énormes efforts pour présenter la situation économique et sociale sous l'angle le plus positif possible. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça va mal. Tout le monde sait que ça va mal. La crise est partout. On voit partout le chômage, l'angoisse de se retrouver sans emploi. Le dollar fait une chute verticale, les banques connaissent la faillite, le petit commerce cache une arme derrière son comptoir. Partout on voit les voyous déferler dans les rues, personne nulle part ne sait quoi faire, on est désemparés. On sait maintenant que l'air qu'on respire est pollué, que notre nourriture est empoisonnée. Nous contemplons notre télévision pendant qu'un speaker nous annonce tranquillement qu'aujourd'hui il y a eu 15 meurtres et homicides et 63 agressions de femmes, comme si c'était absolument normal. Nous savons que ça va mal, pique mal. Ça se déglingue. Nous savons bien que tout partout se déglingue. Alors forcément, on ne va plus dehors. Je ne connais pas de recette pour stopper la crise ou l'inflation ou la Russie ou le crime et la délinquance. Tout ce que je sais, c'est que d'abord, il faut que vous en ayez marre. Je veux que vous disiez, je suis un être humain, bon Dieu de merde. Ma vie à moi de la valeur. Ma vie a de la valeur, explique François Fillon, lui qui est devenu un avaleur de couleuvres face à un président omniprésent. Et de leur côté, les membres du gouvernement sont aujourd'hui un peu chamboulés par les modifications du paysage politique, notamment avec la dislocation du Parti Socialiste, la création du NPA, le Rikiki Modem et le cuirassé UMP. Ainsi, ce séminaire gouvernemental à Lyon fut l'occasion pour quelques ministres de mettre les choses au point. Plus on s'écarte de la gauche, plus on se rapproche de la droite. Donc voilà. Ensuite, vous avez les centristes. Donc ça, les centristes, c'est au centre. Hein, voilà. À droite, vous avez les conservateurs, donc ça, c'est plus les patrons, les cadres, enfin, les riches, quoi. Et donc à droite de la droite, vous avez l'extrême droite. Ta vision me paraît, comment dire, assez navrante. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi? Quand tu parles d'Europe unitaire et de modèle socialiste, tu ne peux pas comparer les SPD allemands, labour anglais et les modèles des pays scandinaves comme les sociodémocrates suédois et le welfare state. Le welfare state? Oui, welfare state, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est état-providence. Moi? Merde, ça t'intéresse pas ce que je dis? Non mais ça fait une heure que tu discutes! Ta généralisation me paraît un peu courte sur pattes. Je poursuivrai ces démonstrations en deux points. Non, t'as longuement écouté déjà, donc maintenant on va écouter tes camarades. C'est un terme un peu stalinien, mais c'est la démocratie. Je me range. Voilà, c'est ça, range-toi. Moi, je pense qu'il faudrait prendre les empreintes digitales de tous les Arabes et de tous les Noirs, enfin, de tous les étrangers qui arrivent en France par les aéroports ou même dans les gares. Comme ça, bah, quand il y a des agressions ou bien des vols, on compare directement les empreintes et ça faciliterait le travail de la police. Enfin, je sais pas, hein, enfin, peut-être. Oh, c'est qui a soufflé cette idée à Éric Besson, le nouveau ministre de l'Immigration et de l'Identité Nationale? Ce n'est pas Brice Hortefeux, il n'était pas du voyage. Ce n'est quand même pas Patrick Devedjian, notre fabuleux ministre de la Relance. Mais qui ça peut bien être? Quoi qu'il en soit, François Fillon ne veut pas se laisser envahir par les polémiques pendant son séjour à Lyon, puisque pour une fois qu'il n'a pas le président pour lui voler la vedette, hein, il ne va pas se laisser enquiquiner par ses ministres. D'ailleurs, cette soudaine autonomie, ça le rend tout guiret. Et dans le petit bouchon lyonnais où tout le gouvernement s'est attablé pour déjeuner, juste avant de manger, François Fillon se lève. Je ne ferai pas de discours. Oh. moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle. Silence! On ne bouge pas! S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Tout ce que je sais. On se tait! C'est moi qui parle, maintenant. Oh là! D'un coup, ce Jean-Louis Borloo, là, il fait flipper tout le monde avec ses menaces. Bon, quand Jean-Louis explique qu'il va dire à la presse que le gouvernement ne cesse de faire des cadeaux au patronat, ah, l'ensemble des ministres respirent. Ça, tout le monde le sait, ça passe très bien. Il suffit juste de faire en sorte que les micros soient bien installés. Mes chers auditeurs, qui dit aujourd'hui, notre micro est installé à la maison de retraite des travailleurs du chapeau. Nous sommes en ce moment devant la grille du parc de la maison de retraite, admirablement située au milieu d'un superbe terrain vague, flanqué d'un côté d'une usine de produits chimiques et de l'autre d'une distillerie de noirs de fumée. Mais voici que s'avance le directeur de la maison, à califourchon sur un poney, entouré de son conseil d'administration et suivi de la fanfare de l'établissement. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, j'ai souhaité que le premier SIAT que j'ai l'honneur de présider se déroule ici en région Rhône-Alpes, parce que c'était une occasion de dire toute la gratitude qui est la nôtre pour les élus, les chefs d'entreprise, les forces vives de cette région, dont on connaît le dynamisme et l'efficacité. Les forces vives dont on connaît le dynamisme et l'efficacité. Ben voyons, François Fillon est donc revenu de Lyon avec beaucoup d'espoir quant à l'avenir de son plan de relance. Du coup, alors c'est quoi ces 1000 chantiers? Il y a beaucoup de ponts, on va lancer 500 ponts. Ah oui, une relance par le bâtiment donc? Non, c'est des ponts pour que les gens se jettent dans le vide et meurent. Quoi? Alors on va construire des grands ponts pour les familles nombreuses, des petits ponts pour les célibataires. Non, monsieur Fillon, arrêtez, ça ne peut pas être que ça votre plan. Non, il y a aussi 300 hangars à poutres. C'est quoi? Des hangars très longs avec des poutres à perte de vue pour que les Français puissent se pendre. D'accord, mais vous n'avez pas des projets un peu plus optimistes? Non. Je sais pas moi, une relance par la technologie, c'est pas une piste ça? J'y ai pensé, j'avais un canapé électrique. On s'assoit dedans, on allume la télé et on meurt électrocuté. C'est comme la chaise électrique mais en plus confortable. Ouais, c'est mieux déjà. Ouais, mais ça a été refusé, ça consomme trop d'électricité. Swinging dreams, Suzy Lessing, the dance star, and sings. And he's not gonna be that mysterious kid. Suzy, c'est le prénom choisi par le joyeux Caravan Palace, en hommage peut-être à Suzy Delair, vedette des années 40 et compagne du cinéaste Henri-Georges Clouzot, l'auteur de L'Assassin habite au 21. Je l'ai descendu dans mon jardin, je l'ai descendu dans mon jardin. Il piétinait mon romarin. Et j'aime pas ça qu'on piétine mon romarin. Ni mes coquelicots d'ailleurs, ni mes coquelicots. Alors maintenant, après avoir découvert l'envers du décor de cette expédition gouvernementale à Lyon lundi dernier, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h28 sa singulière séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache que jeudi prochain, nous célébrerons le bicentenaire de la naissance de Charles Darwin. Et figure-toi que devant les attaques incessantes des créationnistes, autrement dit, celles et ceux qui renient la théorie de l'évolution, lui préférant un monde merveilleux créé en 6 jours, eh bien, nos joyeux fantômes de l'INA ont décidé de réagir. Ainsi, pour faire face aux obscurantismes religieux, ils ont organisé une curieuse cérémonie, certes absurde mais forcément utile, qui consistait à décerner les Darwin en chocolat. Alors, écoutons avec attention le récit de notre Bernard l'Ermite planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, il y a eu une grande cérémonie. La remise des Darwin en chocolat. Tous les concurrents étaient très concentrés. Et le premier d'entre eux nous a éblouis. En nous racontant l'histoire des pinsons de Darwin, dont l'alimentation s'est transformée avec le temps pour s'adapter aux rudes conditions des îles Galapagos. Certaines sont restées granivores. Mais d'autres se sont mis à prélever le nectar des fleurs de cactus, avec un bec restant fort et conique, mais s'allongeant de plus en plus. D'autres sont devenus mangeurs de fruits, leur bec tendant vers une forme globuleuse. D'autres encore sont devenus insectivores, leur bec s'affinant comme celui d'une fauvette. Le plus spécialisé, via l'égal d'un pic, en parcourant branches et troncs à la recherche des insectes cachés dans les écorces. Comme son bec ne lui permet cependant pas de fouiller les interstices les plus secrets, cet oiseau compense cette carence par l'usage d'une brindille ou d'une épine de cactus dont il se sert pour extraire les insectes de leur cachette. Il est de ce fait le seul au monde à se servir d'un outil, remarquable particularité éthologique, très importante en psychologie animale. Les pinsons de Darwin présentent donc un raccourci saisissant de l'évolution des passereaux. Ces potentialités, qui existent sans nul doute chez beaucoup d'oiseaux, sont normalement étouffés par suite de la compétition et sont inhibés avant d'avoir pu s'adapter complètement. Mais soudain, un intrus a débarqué sur la scène. Le professeur Rael, un fameux créationniste, ennemi farouche de Darwin. Cette théorie est un ramassis de conneries. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé. un singe poisson-grenouille et ce singe poisson-grenouille a réussi à enculer un chimpanzé et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé et ça a donné vous. Jean Rostand était trop énervé pour discuter avec le professeur Raël. Alors il n'a rien trouvé de mieux que l'attaquer sur son physique. D'après Darwin, seul aurait survécu, du moins aurait survécu de préférence aux autres, les beaux mâles, les mâles les mieux ornés ou les mieux armés. Ainsi, on pourrait admettre que dans le passé de l'espèce humaine, les femmes ont préféré les hommes qui portaient de belles barbes. Et là-dessus, Albert Jacquard n'était pas d'accord. Darwin ne savait pas ce que c'est que faire un enfant. Comme tout le monde, il ignorait l'essentiel de la transmission, qui est la transmission génétique. Pourquoi ? Parce que si réellement le meilleur élimine le moins bon et transmet ses caractéristiques, progressivement, on va arriver à une homogénéité de n'importe quelle population. Or, le constat évident, c'est que toute population est hétérogène. Un homme ne ressemble pas à un autre homme. Un chimpanzé ne ressemble pas à un autre chimpanzé. Partout, la nature maintient de la diversité. Avec tout ça, le Darwin en chocolat n'était toujours pas décerné. Alors le docteur Dess a proposé un nouveau critère de sélection. Docteur Dess, dans votre livre La Main, vous donnez à celle-ci une véritable personnalité. Évidemment, La Main a une personnalité, puisque c'est elle qui, ensemble, caractérise l'homme. Pas de main, pas d'homme. La boîte de chocolat. La boîte de chocolat. La controverse va donc reprendre de plus belle. Mais le professeur Ryle a eu le mérite de provoquer publiquement ses adversaires. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. Merci beaucoup Flora Bernard pour cette merveilleuse exploration poético-burlesque au cœur de l'inattendu. Cela dit, toujours dans le même registre, poursuivons immédiatement avec les aventures de nos deux créatures assez peu évoluées. Car il est déjà l'heure de découvrir nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Eh bien, à 11h34, rejoignons donc sans tarder notre fantasque village fleuri, où nous attendent bien sûr Jean-Claude, le moulin de la galette, et Monique, l'origine du monde. Alors vois-tu, depuis lundi dernier, Jean-Claude, le nouveau président du comité des fêtes de Grosboule-les-Bains, a décidé de reprendre à son compte le désir de Nicolas Sarkozy de considérer la création artistique comme une réponse à la crise économique mondiale. Bon, cela dit, avec l'annonce jeudi dernier de supprimer la taxe professionnelle qui va réduire ainsi quasiment de moitié le budget des collectivités territoriales, Jean-Claude est un peu inquiet quant aux moyens qui lui seront alloués. Nous verrons bien, se dit-il, et c'est vendredi matin qu'il a présenté à Monique son modeste projet culturel pour la commune. Tu vois, c'est là qu'on va faire construire la nouvelle bibliothèque, ici, qui va d'ailleurs s'appeler Médiathèque, parce qu'il y aura une vidéothèque, une discothèque, une salle d'exposition, et puis derrière, il y aura un théâtre de verdure et une piscine. Ben dis donc, c'est énorme. Ah ben c'est ambitieux, c'est un projet très très ambitieux. Mais c'est très beau, donc ça va cacher tout le village en fait. Non, mais pas du tout, parce que ça va pas monter à des hauteurs vertigineuses, non. Ça va être, il y aura peut-être deux étages. Ça il faut voir sur les plans avec l'architecte. Mais et alors ça se va se construire avec les pierres du pays. Ça va, c'est-à-dire que ça va garder le cachet, tu comprends? Le cachet du pays. Une médiathèque, mouais. Monique juge immédiatement ce projet un peu trop ambitieux, bien sûr. D'autant qu'il faudrait sans doute plusieurs mois, voire quelques années, avant qu'elle ne voie le jour. Cela dit, mettre en valeur la création artistique n'est pas sans déplaire à Monique. Et, pour soutenir son Jean-Claude, elle décide, vendredi après-midi, de lui préparer une jolie surprise, à savoir organiser à la Maison de la Culture une exposition d'œuvres d'art, celle du plasticien belge Wim Delvoye. Et c'est vers 17h... que Jean-Claude se pointe au moment même où Monique et quelques élèves de la section art plastique du lycée accrochent au cimaise les premières œuvres. Et donc là, les élèves et moi-même, bon, nous avons commencé à accrocher alors deux cibachromes de Wim Delvoye. C'est qui Wim Delvoye dans l'art contemporain? C'est qui comme figure? Oui. C'est un artiste exubérant, en fait, qui a un humour mordant, hein, pour moi. Et pour les élèves, je ne sais pas comment ils le perçoivent. Et vous connaissez d'autres œuvres de lui? Vous connaissez ces bétonneuses qui sont revêtues de bois de teck quand il sculptait? Le range-brouette. Oui, c'est drôle. Je l'ai vu dans son atelier, le range-brouette. Et il y avait Cloaca, vous savez, la machine à fabriquer la merde. C'est une reconstitution du tube digestif humain, en fait, à travers différentes machines avec des produits chimiques, machin. Enfin, c'est assez compliqué, mais au final, c'est exactement comme un vrai tube digestif. Non, mais qu'est-ce que c'est que cet art dégénéré ? S'écrie Jean-Claude. Hors de question que son comité des fêtes soutienne cette exposition, là. Monique est folle furieuse et lui fait remarquer qu'il ne connaît rien à la création artistique. Faux ! Lui répond Jean-Claude, qui sort de sa poche un DVD sur lequel est gravé un clip qu'il vient de tourner avec son assistante Corinne afin de relancer le théâtre de rue à Gros Boules. Non, écoutez Corinne, c'est n'importe quoi, vous êtes abruti ou quoi? Enfin, si votre gag arrive trop tôt, le public ne réagit pas. Alors que si on prend cette courbe humoristique, vous voyez bien qu'à ce moment T, le public est mort de rire. Ah, d'accord. Non, il faut tout recommencer. Oui. Allez, au boulot. Merci. Bienvenue à l'Institut européen du théâtre de rue. Ici, à l'IETR, depuis plus d'un demi-siècle, nous formons des générations de saltimbanques et de troubadours. Notre pédagogie repose sur l'analyse vectorielle des spectacles de mimes, de ménestrels, de clowns de rue, etc. Nos baladins apprennent ici à mieux comprendre leurs échecs en place publique grâce à notre approche mathématique en cours particulier. Après 4 ans d'études, l'élève reçoit son diplôme reconnu par l'Institut. Oui, en relançant l'Institut européen du théâtre de rue, l'IETR, installé à Gros Boules depuis 50 ans, Jean-Claude a bon espoir de remettre au goût du jour les ménestrels et les troubadours. D'autant qu'il explique à Monique que ce n'est qu'une première étape, car très vite, il compte ouvrir, c'est à la mode, un musée de l'histoire de France où les tableaux historiques seraient de véritables scénettes vivantes. Et d'ailleurs, ils ont fait quelques répétitions cet après-midi avec 2 ou 3 comédiens amateurs, justement, dont Germaine dit Mémène. Mémène sera déguisé en Charlotte Corday. Amusant. Willem Vertag, je crois, sera déguisé, lui, en baignoire de Marat, ça va sans dire, ce qui lui permettra de surveiller Charlotte, Mémène. Mm-hmm. Si elle esquisse le moindre geste avant qu'Arthur Gouldebaume ne soit là, il l'a bat. Bah, historiquement impossible. Marat n'a jamais assassiné Charlotte Corday. Quant à Arthur Gouldebaume, il devra se présenter en homme invisible. Mm-hmm. Dès que Zorbeck aura vu l'homme invisible, il sifflera discrètement 3 fois dans ses doigts, comme ceci. À ce moment-là, des hommes à nous, des hommes du service habillés en sans-culottes, procéderont à l'arrestation de Charlotte Mémène. Zorbeck tient beaucoup à cette mise en scène pour que le public ne s'aperçoive de rien. Monique pouffe, bien entendu, et plus encore, quand sur le chemin du retour à la maison, Jean-Claude découvre, ahuri, que ces comédiens du théâtre de rue ont profité de son absence pour transformer Fissa, son futur musée, en joyeux cabaret. Et un bon cabaret, messieurs dames, un bon cabaret. Ambiance. C'est ici que vous verrez le plus beau pestacle. Striptease, ici tout le monde à poil, c'est la formule de la maison. Par ici, monsieur dame, exclusivité. Le cinéma se crapaud nautique. Venez voir les 9 muses dans leurs costumes et mœurs de l'époque. Venez admirer les 42 poses de la beauté antique. Du classique, rien que du classique. Venez voir les Lisbon Girls. Venez admirer le célèbre minogramme de Léda et de Jupiter Olympien, placé sous le signe de Zeus, interprété par le duo Apollonios du Lido de Paris. Venez admirer. Ici, le champagne obligatoire, il est facultatif. Excédé par cette trahison des saltimbanques, le soir même à la maison, Jean-Claude broie du noir, puisque personne ne semble vouloir de son merveilleux musée de l'histoire de France. C'est alors qu'arrive sa fille Elsa qui tente de remotiver Jean-Claude quant à sa volonté de soutenir la création artistique. Si le musée t'inspire pas, fais quelque chose de radical comme l'a fait Christo. C'est le gars qui a révélé les secrets des magiciens ? Non, Christophe fait de l'art conceptuel. Il crée de gigantesques œuvres. Une fois, il a emballé le Reichstag dans du plastique. Pas le Reichstag ? Oh, si, il a aussi installé des centaines de parasols le long d'une autoroute de Californie. Pourquoi il a fait ça ? Pour donner plus de magie au monde, je suppose. Bien qu'il se soit envolé et ait tué plusieurs personnes. Des parasols tueurs ? Mais bien sûr, c'est charmant. Non, ce que je veux dire, c'est que tu dois voir grand et être audacieux. Grand ? Audacieux ? J'ai une idée de création artistique formidable. Première phase, piquer tous les paillassons en ville. Oui, On est samedi soir et Jean-Claude vient d'avoir une idée lumineuse pour enfin placer la culture au centre de la vie villageoise. Après avoir chouré tous les paillassons du bled, il les dispose dans la rue de telle sorte qu'ils établissent un intrigant itinéraire à suivre qui conduit en réalité tous les gros boulets jusqu'à la salle des fêtes. Très vite, une petite foule curieuse se masse à l'entrée, bien sûr, car que signifient tous ces paillassons les uns derrière les autres? Est-ce un happening? C'est alors que vers 21h, Jean-Claude, à la surprise générale, tente d'offrir une réponse à la crise économique mondiale en proposant aux gros boulets ce qu'il pense être la culture pour tous. Mais c'est bien là tout le problème. Fin de l'histoire, cela dit, découvrons la prestation du Jean-Claude. C'est un mot qu'on irait inventer pour elle, qui a mis dans mon être ce désir charnel. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Non, pardon, je me suis trompé. Ça peut arriver, d'accord, j'ai fait une petite erreur dans le texte. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je vous demande quelques secondes d'attention encore. Je serai lundi 13 en concert exceptionnel au Salon du Panais. Je ne vous laisserai pas plus longtemps ridiculiser la profession. Je rends l'antenne. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h43, après avoir découvert la conception de la création artistique selon Jean-Claude, afin de répondre à la crise économique mondiale, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic consacré ce matin à l'affaire de la semaine. Tu connais les protagonistes, Pierre Péan, journaliste, Bernard Kouchner, ministre, et Omar Bongo, facétieux président du Gabon. Le premier accuse le deuxième d'avoir touché l'équivalent de 6 000 € par mois payés par le troisième pour quelques conseils grassement facturés. Bon, avant tout, au Mangin Palace, nous avons l'intime conviction que M. Kouchner n'est pas dans l'illégalité car il n'est pas répréhensible de gagner de l'argent, bien sûr. En revanche, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, a simplement voulu savoir, hein, avec quel genre de personnage M. Kouchner, le parangon des droits de l'homme, organise son business. Ainsi, Olivier Timonier, secrétaire général de l'association Survie, va nous dire deux mots de ce formidable Omar Bongo que Bernard Kouchner connaît bien. Alors juste après la virgule, tout commence en Afrique. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? It began in Africa. L'affaire de cette semaine, le livre de Péan qui attaque Bernard Kouchner, est-ce que pour vous, c'est assez symptomatique de quelque chose de plus large en France? Oui, au-delà des objectifs plus ou moins avoués du journaliste Pierre Péan pour la publication de cet ouvrage, en fait, ce qu'il met en partie en lumière, c'est un système, hein, plus généralement, qui fait qu'un certain nombre de dirigeants politiques français entretiennent des relations très ambiguës, très occultes et très intéressées avec la classe politique africaine. Que s'est-il passé exactement? Eh bien, nous avons envoyé le commandant Beaumont en Afrique. Oui, ça vous me l'avez déjà dit. Voulez-vous être gentil de me donner un petit peu de café, mademoiselle, s'il vous plaît? Je vous écoute. Lorsqu'il a débarqué au Malagaoui, la situation politique n'était plus la même. Il n'était plus question d'exécuter N'Djala. Surtout plus. Donc vous avez rappelé Beaumont? Non, monsieur le ministre. Ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est quoi exactement? C'est un système avec différents lobbies qui agissent en une sorte de réseau d'hommes d'influence, d'hommes d'affaires, de responsables politiques, militaires, financiers, et qui agissent dans le sillon de la politique de la France en Afrique, justement pour maintenir une certaine emprise sur ces pays-là, donc au niveau politique, mais aussi au niveau économique et financier, notamment pour l'accès à certaines ressources naturelles. Et c'est vrai qu'il y a une véritable complicité entre dirigeants français et africains qui est entretenue, et c'est vrai qu'Omar Bongo étant le doyen, on peut dire, de la France-Afrique, il est probablement le meilleur symbole. Vous n'auriez pas en tête de m'enfermer dans mon ambassade? Alors là, absolument pas, monsieur le Président. L'idée ne nous a même pas effleuré. Vous envisagez de me mettre où? Merci, la République ne manque pas de château. À moins que vous ne parliez du palais du Sénat au Luxembourg, je vois se profiler une de vos grandes glacières campagnardes où vos rois mourraient d'ennui. Clairement, on peut considérer qu'il est probablement plus proche du millionnaire Frimer, et en tout cas sa famille et ses enfants. C'est vrai que l'enquête préliminaire sur les biens mal acquis a montré l'énorme patrimoine en termes d'automobiles, par exemple, avec des Mercedes, des Rolls-Royce, des Maybach, enfin, vraiment. Et c'est vrai que quand les Bongos, mais alors c'est aussi les Sassou Nguesso au Congo et dans d'autres pays, se déplacent à l'ONU, dans des conférences ou à l'étranger, enfin, c'est vraiment une débauche de fric et des achats, mais qui sont incommensurables. Enfin, c'est à vomir quand on voit la situation du pays, la situation des hôpitaux là-bas. Avec Bongo, Gabon d'abord, Gabon nouveau. Il est tout sauf un démocrate et clairement il prend son pays en otage et son peuple en otage. Et c'est étonnant de voir que Nicolas Sarkozy et Bernard Kouchner ont critiqué par exemple Mugabe au Zimbabwe pour dire que arrêtez de prendre votre peuple en otage, et en attendant soutenir et recevoir en grande pompe ce monsieur Bongo, alors que lui-même, pays dans lequel il y a des intérêts français, prend littéralement et totalement son peuple en otage. Je veux bien qu'on parle politique, mais en tout cas je ne veux pas qu'on calomnie ni ma femme, ni moi, ni ce que j'ai fait dans la vie. Ça, c'est honteux. Ah là là là là, c'est plus fort que toi. Hein. Au lieu d'être sincère, il faut que tu flambes. Oui, Bernard Kouchner était au bord des larmes au journal de 20h. Mais bon, soyons certains qu'il s'indignera avec autant d'émotion quand nous lui apprendrons ce matin, par exemple, qu'il n'y a que 0,2 médecins pour 1000 habitants au Gabon, puisqu'Omar Bongo préfère se payer des Mercobenz. Cela dit, le Mangin Palace se veut équitable. Alors bien sûr, nous avons fouillé toute la semaine, et figure-toi que nous avons fini par trouver de vrais témoins en faveur de Bernard Kouchner dans cette sombre affaire. Eh bien, nous voilà rassurés. Monsieur et Madame Balkany, vous êtes les plus proches amis du président. Vous soutenez Bernard Kouchner, je suppose. Bernard Kouchner est totalement innocent et j'ai un témoin qui peut le prouver. Oui, moi, Patrick Balkany, Kouchner est un saint, un enfant de cœur. Quand on fait affaire avec un dictateur comme Omar Bongo, c'est pas 6000 euros par mois qu'on lui prend. C'est 3 millions d'euros minimum et en liquide. Et surtout, pas de traces, hein. Pas de facture. Tout passe par des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux Bahamas. Montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Cinq chômeurs à se lamenter sur notre malheur, en se disant qu'on se tape bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne, là qu'elle nous voit vers les murailles, et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Qu'elle nous prend par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille. Elle nous fait le coup du zipplin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin de soin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Quand on eut passé la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu, que c'était bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. La fille du coupeur de joint, c'est Hubert Félix Thiéphaine qui rendait en 1977 un vibrant hommage à ce dur métier de plombier. C'est le plombier, voilà le plombier, je suis le plombier, et ça c'est la plomberie, ça permet de transporter l'eau qui passe par là jusqu'à votre baignoire. C'est sensationnel, extraordinaire. Pressons, il n'y en aura pas pour tout le monde. Laissez pas passer l'occasion. Alors maintenant, à 11h52, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? En cette période de vaches maigres, il était évidemment nécessaire que je discourusse sur les vaches russes à la mode dans la presse cette semaine. Ah. Oui, tout d'abord, l'agence russe d'information internationale RIA Novosti nous apprend qu'en Sibérie orientale, en Yakoutie, le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 50. Moins 50, c'est froid. C'est froid, très froid. Oui, bon, ça, on le savait. Non, mais ce qu'on découvre surtout, c'est que les éleveurs là-bas ont eu cette idée charmante pour améliorer la résistance des vaches de leur tricoter des soutiens mamelles en fourrure. Alors, comment fonctionnent ces fabuleux soutiens mamelles ? Eh bien, il s'agit d'une pièce triangulaire de tissu calorifuge qui vous sert les gestes, hein, je le dis aux auditeurs. Oui, oui, parce que j'ai vu des images. qui sert la vache avec 2 bretelles comme ça, autour de la taille, une sous la queue, et la meumeu, bah, d'un coup, elle a chaud au pied et elle évite les engelures parce que les engelures sur les tétines, ça fait mal. Et alors, d'ailleurs, puisque nous parlons de tétines de vache, ce week-end, The Independent nous apprend une autre affaire qui concerne des abats en Russie. Oui, Rod Stephen est le fondateur d'un groupe de musique qui reprend des chansons des Suédois d'ABBA. Mamma mia, hein. Et Rob a déclaré au quotidien britannique que le Kremlin l'avait contacté pour faire un concert privé devant Vladimir Poutine. Oh. Oui, une drôle d'histoire, hein. Alors, ce concert aurait eu lieu le 22 janvier dernier dans un petit théâtre sur les bords du lac Valdai. Et Rod Stephen précise même qu'à la fin du concert, Vladimir aurait poussé la chansonnette sur le titre « Bravo ». Bravo. Oui, bravo. Alors, j'ai cherché, hein. S'agit-il de la chanson « Bravo, tu as gagné », l'adaptation de « The Winner, Take It All » que Mireille Mathieu avait interprétée en 1981 avec le groupe ABBA dans les chœurs. Parce que dans ce cas, il y aurait au moins un point commun entre Vladimir Poutine et Nicolas Sarkozy, leur amour pour Mireille Mathieu. The Independent a contacté Dimitri Pestok, le porte-parole de Poutine, qui a déclaré que tout cela, c'était bidon, que jamais Vladimir n'a assisté à un concert d'ABBA. Moi, ça ne m'étonne pas trop, hein, ce déni, parce que Vladimir a toujours nié qu'il abat les opposants. Bon, une autre information cette semaine dans la presse russe, qui nous vient cette fois du bi-hebdomadaire Novaya Gazeta. On apprend que Poutine est un nom qui fait vendre, puisque la vodka Putinka bat à plate couture la vodka Medvedev. Ah oui, ils ont des noms selon leurs dirigeants. Je ne sais pas nous ce que ça donnerait. Comme alcool ? Non, ce serait une tisane. Alors, cette semaine, c'est une préparation culinaire qui est mise sur le marché au doux nom de Miracle aux choux et aux champignons Poutine. Eh ben. Ah oui, avec sur l'étiquette, en plus du nom Poutine, bien sûr, l'aigle bicéphale de la Russie éternelle, ça promet. À quand le miracle aux choux, aux champignons et au polonium ? Bon, avoir des plats cuisinés à son nom, ça a de quoi rendre mégalo un chef d'État, comme en ce moment le si modéré Hugo Chavez, le président du Venezuela. Le journal de la ville de Valencia, à l'ouest de Caracas, El Carabobeño, nous explique que lundi dernier fut une journée fériée. C'est une décision du président qui a décrété qu'on ne travaillerait pas le jour du 10e anniversaire de son arrivée au pouvoir. C'était donc le 2 février 1999. Bon, le journal parle tout de même d'un caprice du président, hein, parce que quand même, les fonctionnaires ont dû travailler. Ils étaient mobilisés pour participer aux festivités. Avec Caracas, c'est pas Saint-Lô, hein. Bon, peut-être que nous aussi, un jour, on aura des jours fériés. Le 28 janvier, par exemple, mmh. un jour de l'anniversaire de notre président. Mmh. Ou bien le 2 février, le jour des noces présidentielles. Mmh. Pourquoi pas le 6 mai, l'élection. Ben oui. Mmh. Ou pourquoi pas le 15 mars, pour commémorer le 15 mars 2007, jour d'un mémorable discours à Nantes où Nicolas Sarkozy avait déclaré vouloir installer des subprimes à la française pour ceux qui n'ont pas de revenus stables ou suffisants pour emprunter. Et ça, c'était la bonne affaire. Ah, mais c'était avant la crise, hein, voilà. C'est plus facile après de changer en fait, ses idées. Bon, pour terminer, très vite, une dépêche de l'AFP qui nous explique combien il est déroutant pour les étrangers de passer le permis de conduire en Chine. Ainsi, dans le code de la route, comme question, on trouve « En cas de blessure abdominale ouverte, si l'intestin est à l'air libre, il faut A. le mettre en place. » B. Ne rien faire. C. Le recouvrir d'un récipient qu'on aura fixé avec du tissu autour du corps. Bon, la réponse, évidemment, c'est C. Hein, recouvrir l'intestin dégoulinant avec du tissu. Alors que chez nous, pour le code de la lutte anti-crise, on nous propose aujourd'hui A. soutenir le patronat. C'est tout. Alors, comme quoi, hein, pour les tenants réponse unique. Donc, pour les tenants du libéralisme, c'est un peu comme pour les vaches sibériennes. Quand ça les arrange, l'État est un excellent soutien mamelle. Merci Monsieur Mauduit pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 160e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était Panique en mode rediffusion, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h, et de retour en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin H2M, le maestro Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assister aujourd'hui à la technique de Sandrine Laurent, merci beaucoup à elle. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet et Yvan Beaujolais. Pour les Scud et toutes ses trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin au formidable documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris à la tête de son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi prochain à 11h pour le Ministère Psychique et de retour en direct dimanche, toujours à 11h sur France Inter, pour un nouvel épisode inédit du Mangin Palace. En attendant d'ici là, un seul mot d'ordre, bien sûr. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu. C'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.